Et toi, quelle est ta nationalité? Moi, je suis libanaise, mais j'habite à Genève avec Christopher. Ah, super! Et Christopher, quelle est sa nationalité? Il est danois. Il vient de Copenhague. Il est d'où? De Copenhague, au Danemark. Ah! Et il parle français? Oui, il parle très bien français et danois aussi. Et toi, tu parles danois? Oui, un peu. Et anglais aussi.